France Inter, franceinter.com. Restez calme, tout va très bien se passer. L'être humain, improbable mécanique lancé dans une quête perpétuelle au cœur des labyrinthes psychiques, où les neurones s'entrechoquent et où Toumaï répond à Aristote. Mortel, nous cherchons à comprendre nos contemporains, mais en vain. Pourtant, au fin fond de l'univers, quand il n'y a plus aucune solution, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique. And what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature. Elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça mousse ? Faut voir. Ma nuit fut exubérante. Enfin, passons. C'est qui notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Yvan Levaille, dossier Epsilon 001. Qui ça ? Yvan Levaille, vous savez, professeur Colin, Yvan Levaille, le maniaque de la revue de presse sur France Inter. Mouais. Et d'après vous, comment se présente son dossier ? Assez compliqué. Bon, faites entrer le patient, professeur Mauduit. Yvan Levaille, vous êtes attendu au Labo Studio 81. Yvan Levaille. Bonjour, monsieur Levaille. Bonjour, messieurs les professeurs. Comment vous sentez-vous ce matin, Yvan Levaille ? Écoutez, pas trop mal, mais je sais pas, je me sens un peu bizarre. Vos blouses blanches et votre stéthoscope, vos appareils m'effraient un petit peu, mais je pense que ça va s'arranger, non ? Tout va bien se passer, monsieur Levaille, tout va bien se passer. Ah si, vous ne savez pas pourquoi vous avez été convoqué ce matin au ministère psychique ? Non, mais je pense que... Il faut obéir aux hiérarchies gouvernementales, donc quand je suis convoqué quelque part, j'y vais. C'est très bien, monsieur Levaille. Alors, j'ai sous les yeux vos réponses à notre questionnaire psycho-loufoque que vous avez rempli dans l'antichambre du ministère, et nous allons dans l'heure qui vient analyser ensemble vos réponses en compagnie du professeur Mauduit. En effet, durant notre joyeuse séance, monsieur Levaille, nous croiserons pêle-mêle Attila et Sainte-Geneviève, des conseils hermétiques de Clint Eastwood et les observations cliniques du professeur Anne Boulet, ou encore les recommandations médicamenteuses de Ginette Garcin. Tous ces éléments, cher monsieur Levaille, nous conduiront en fin de séance à dresser un diagnostic foutraque de votre architecture mentale avant d'établir, bien entendu, une prescription totalement burlesque. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre séance, afin de vous préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, montez le son, Yvan, c'est la panique. Et faites connaissance avec trois joyeux pensionnaires du ministère psychique. Yo, yo, rude boy, Jaguar Gargan, Cool Chain, Lotto City, come back again, no man. SP1 from the truck. Every time I'm coming with Velcro, for real, he come again with different size. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz girl quand tu whine ton bon passe avant ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz girl quand tu whine ton bon passe avant ding ding ding. Mes girls c'est sexy, viens voir Co City, original Wakaman dans la ville de Paris. Girls c'est joli dans ton Versace, viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est wine mouge, carré sur le groove. J'aime les girls surtout quand les girls move. Hey ya, move up, rough comme une loupe, bouge au corps de la tête aux pieds. Et lâche ta posée, move up, girl wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Wine comme une vipère si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz girl quand tu whine ton bon passe avant ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz girl quand tu whine ton pas un brodin, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Hello, Joe, explique-leur. Ça se passe à l'arrière du Merco, Benz, Benz, Benz. Ouais, du côté de Sunny, baby. Je garantis qu'il y a que des dingues, dingues, dingues. Et ma mère, je suis la flèche que ton entre jambes attire à mort de Lufia. On vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Pomme bébé, monte sur mon scène, scène et fond. Je la ferai façon, je te cueille. Putain, y'a que ça qui me rend junk. À ton contact, je deviens liquide, liquide. C'est comme un trou intemporel, bouge ton corps de femme. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, bébé, ouais, ok, ça roule. Je deviens saisissable à ton contact, l'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard à vie. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Ce soir, faut qu'on se fâche. Bébé, faut qu'on se clash, clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Donc mouf ton bali, fais bander les bandits, puis ton bande a brandi. Le temps sortira grandi, tu sais ce qu'on dit. Faut que ça glisse, et puis que ça transpire. Que ça me fout en transpire, faut plus que je respire. Tu donnes-moi, donne-toi, donne tout ce que t'as. Putain, c'est fou ce que t'as, comme talent, mais où ce que t'as. Appris tout ça, après tout ça, je m'en fous, je veux juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'eau. Donc vas-y, monte sur mon scène, c'est du fond. Yeah, man, 93 style. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz, gal. Quand tu whine, ton bon pas un brodin, gang, gang. Hey, girl, si tu vois une merco noire arriver avec les vides d'un booming system. C'est ma Benz, Benz, Benz. Et on va zong, zong, zeng avec Jaguar, Gorgon et Cool Shed. SP, baby. 93 style. Le Constitut. All bad boy, no respect. Yeah, yeah. West Indies, we are the best. C'était NTM et Lord Co-City dans leur Merco Benz en 1998. Comment devient-on fou? Ou comment devient-on simplement psychopathe? Ou présente-t-on un désordre mental quelconque? Nous remercions chaleureusement le professeur Domaison pour cette introduction aux méandres du ministère psychique. Alors, cher Yvan Levaille, nous avons donc scrupuleusement étudié le professeur Mauduit et moi-même le questionnaire psycho-biscornu que vous venez de remplir et nous tenons d'ailleurs à vous remercier pour la franchise de vos réponses à nos questions. À bien vous lire. Nous nous sommes aperçus, cher monsieur Levaille, que vous avouez vous sentir assez proche d'Attila. Sans doute parce qu'Attila a installé son pouvoir au cœur de la Pannonie, cette région d'Europe centrale située sur le Danube moyen en Hongrie, où vous êtes né, Yvan Levaille. Hajnali szél roham, bizonytalan óra, vörös fény karolja át a tűzfalakat. C'est bizarre comme langue. Oui, c'est tellement bizarre que le mot le plus bizarre ou le moins étonnant peut-être, c'est celui qui veut dire expliquer en hongrois. Ça se dit magyarázni, ça veut dire magyariser, rendre hongrois. Comme si on ne pouvait rendre compréhensible le monde ici qu'en rendant les choses hongroises, tellement c'est différent. Alors, primo Yvan Levaille, revendiquez-vous votre hongritude attilienne? Oui, hongrois que je suis français. Et en France... hongrois que je suis hongrois. En réalité, je suis très européen, un peu juif, un peu protestant, un peu catholique. Et si j'ai répondu au questionnaire que je me sentais un point commun avec Attila, c'est parce que j'aime la viande rouge. Bien saignante ma viande, saignante mais pas froide. Alors, nous nous sommes quelque peu penchés sur la biographie de ce chef unique, à savoir Attila, que l'historiographie postérieure a voulu présenter comme un barbare sanguinaire. Ils ont raison de nous appeler des barbares. Tu n'aimes que la violence, Attila. Elle est devenue la compagne de ton ambition. Et tu crois avec elle pouvoir conquérir le monde parce que tu auras anéanti tous les peuples pour satisfaire ta soif de sang et de puissance. Alors, Yvan Levaille, pensez-vous que l'ambition démesurée que l'on prête à Attila peut vous caractériser? Pas tout à fait, parce que vous savez que Attila, donc, est à cheval, il avance, il galope, il arrive vers l'ouest, comme tous les barbares, et puis une femme apparaît, et il s'en retourne, et il disparaît. J'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître, pour réapparaître. Alors, Yvan Levaille, votre carrière reste néanmoins impressionnante, malgré peut-être que vous ne vous compariez pas tout à fait à Attila. Et vous n'ignorez pas que sous les pas du cheval d'Attila, l'herbe ne repoussait pas. Si, comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Le désherbant qui donne envie de désherber. Alors là, Yvan Levaille, n'avez-vous pas peur, vous, l'homme aux 2000 revues de presse à peu près, d'avoir la même réputation qu'Attila ? C'est-à-dire ? Pardon docteur, pardon professeur, mais précisez votre pensée. C'est-à-dire de détruire les mauvaises herbes. Dites-nous, Yvan Levaille, quelles sont les mauvaises herbes ? Les mauvaises herbes, c'est que les barbares ont gagné, comme vous l'avez remarqué. Regardez, circulez en France, vous allez voir. Partout, l'herbe est coupée, les chemins sont bétonnés. Il y a une grande victoire du béton. Donc, il y a des barbares qui ont bétonné la France, qui était l'un des plus beaux pays d'Europe. J'espère que vous les dénoncerez un jour et que vous les traiterez, ceux-là. Alors, être comparé peut-être à Attila dans les salles de rédaction, ce n'est pourtant pas très flatteur, Yvan Levaille. D'ailleurs, vous le savez bien, puisque sur cette même chaîne sur France Inter, donc vous avez été le directeur de l'information et vous avez donc constaté comment s'organise ici la rédaction. C'est comme pour Attila, à la tête de ces uns. Comment percevez-vous la promiscuité torride des salles de rédaction, Yvan Levaille ? Écoutez, il y en a une là. J'ai l'impression que votre laboratoire débouche sur une... Juste exactement, la salle de la conférence de rédaction. Et ils sont calmes, souriants, apaisés, gentils. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure en creux, Yvan Levaille. Regardez, ils bougent, ils s'en vont. Notez ce comportement étrange du patient, professeur Bauduit. Alors... Vous l'évoquiez en creux tout à l'heure, monsieur Levaille, Attila, devant Paris, en 451, fut obligé de reculer face aux prières d'une jeune femme devenue depuis la sainte patronne de Paris et de la gendarmerie, Sainte Geneviève, bien entendu, qui a su résister à la puissance d'Attila. Arrête, arrête, ne me touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi. Moi, je te dis non. Geneviève a donc su dire non à Attila. Pardonnez-moi, j'ai reconnu la voix de Patricia Carli. Notez, professeur Mauduit, que le patient a des facultés intellectuelles intactes. Arrête, ne me touche pas. Qu'est-ce que t'en penses ? T'as pas envie d'aller faire un tour au bureau ? Tu pourras y faire une petite sieste. Et le lit est confortable. Alors, justement, Yvan Levaille, y a-t-il des femmes qui ont su vous arrêter ou vous dire non ? Hélas. Noté, professeur Mauduit. Alors, si vous vous prenez pour Attila, monsieur Levaille, il reste un point à éclaircir. Je passe tout ce qui concerne la construction de l'image sanguinaire d'un homme qui fut en fait un chef de tribu plus calculateur que véritable fléau de Dieu. Je passe également sur ses médiocres qualités de chef de guerre, lui qui s'est pris une dérouillée au champ catalonique durant l'été 451. Non, ce qui nous intéresse dans votre transfert sur Attila, monsieur Levaille, c'est sa mort. Il a succombé à une hémorragie de type Ferreri après un gigantesque banquet pour sa nuit de noces. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Il faut manger. Tortellini à la crème et champignons. Ça va encore. Vous n'avez rien compris. On ne peut pas mourir en mangeant. Alors, Yvan Levaille, vous, le boulimique de la presse, jusqu'où irez-vous ? Je sais pas, j'ai mangé tellement de papier. Vous savez, à une époque,

nous allons maintenant entamer une série de tests psychologiques et bucoliques et nous allons commencer par quelques questions a priori très simples. Primo, selon vous, combien font 8 x 9, Yvan Levaille ? 72. Pourquoi ? Je me le demande. Notez la réponse, professeur Mauduit. Selon vous, Yvan Levaille, qui est le premier ministre en France ? C'est Monsieur Fillon. Expliquez-vous, Yvan Levaille. Eh bien, il est Premier ministre parce qu'il est Premier ministre, parce qu'il a été choisi par le président de la République. Je crois que c'est l'explication, non ? Nous allons passer maintenant à un exercice un peu plus compliqué. Le ministère psychique a élaboré un test de Rorschach radiophonique adapté à votre cas. C'est très simple, nous envoyons un extrait sonore et dans la foulée, vous nous dites à quoi il vous fait penser. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. Écoutez bien, voici le premier extrait sonore, Yvan Levaille, interprétez-le comme vous le souhaitez. Que vous évoque ce son, Yvan Levaille ? La garde des Sceaux, découvrant des journalistes dans sa salle de bain et cherchant à savoir qui est le père de son enfant. Tiene la palabra la ministra de Justicia de Francia, señora Rachida Dati. Merci, madame la ministre, cher Michel, messieurs les ministres, cher Alfredo et cher Mariano. Mesdames et messieurs, dans le cadre du sommet franco-espagnol de janvier 2008, il est apparu indispensable que nos deux pays approfondissent leur coopération, déjà extrêmement fructueuse. Attention, monsieur Levaille, voici le troisième son. C'est une décision politique qui lèse l'État et le contribuable français de 400 millions d'euros. Non mais tu crois quoi ? Que je suis redevenu milliardaire pour acheter le Lot-et-Garonne ? Tu m'as pris pour Francis Cabrel ou quoi ? Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie ? Point numéro un. Et est-ce que vous pensez que j'ai reçu des instructions pour protéger ? Non. Tu m'étonnes que je vais revenir. 12 piges que je vis à quatre pattes à me faire fouiller l'armoire à suppôts par tout le monde. Je suis un peu énervé. À vous, Yvan Levaille, nous sommes très attentifs à votre réponse. Je sais pas pourquoi, je ne reconnais personne. C'est peut-être un dialogue entre Blanche-Neige et les sept nains. Attention, on attaque le son suivant d'une couleur sonore plus agressive. 3, 2, 1... Vous ne rêvez pas, elle est bien de retour. On parle bien sûr de la chanteuse aux 155 millions de disques vendus, de la diva la plus célèbre au monde, Mariah Carey. Et oui, c'est vrai, Mariah Carey sort enfin son nouvel album, ça s'appelle The Emancipation of Mimi, en français l'émancipation de Mimi. Mais attendez là, mais Mimi, c'est qui cette Mimi ? En fait, Mimi, c'est mon surnom. C'est comme ça que ma famille et mes amis proches m'appellent depuis très longtemps. Quand je cherchais un concept pour mon nouvel album, ça m'est apparu d'un coup. En fait, j'avais envie de montrer qui j'étais vraiment au fond de moi et mettre de côté la star Mariah Carey. Oui, bon, c'est pas tout. L'ancienne Mariah était aussi connue pour ses caprices de mégastar. Eh bien, croyez-nous, avec Mimi, c'est limite pire. Oui, quand je veux quelque chose, je le veux comme tout le monde. Mais je n'ordonne pas. Je ne suis pas comme ça. Ce que je demande, ce n'est pas grand-chose. Au pire, un verre d'eau. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Levaille ? Je sais pas, je dirais, c'est Laurence Ferrari ou Marie Drucker ? Notez la réponse, professeur Mauduit. Michel Cotta, peut-être. Ah ! Mimi. Ah. Parce que Michel Cotta, on l'appelait Mimi. Mimi, craque, l'eau, elle aime ça. L'eau, elle s'adore, ça fait des cringoles et je rigole. Mimi, craque, l'eau, elle aime ça. Voici désormais l'avant-dernier son de notre test. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Tout le monde parle là des mesures qu'a pris Nicolas Sarkozy. Oui, oui. Oui, mais c'est pas la peine, on le savait déjà. Quoi ? Eh bien, il mesure 1m50. C'est ça, oui. Ouais. Marre-toi, hein. Fais le malin à la télévision, tu vas avoir gros problème, toi. Mais non, mais... Des très gros problème. Mais hein. J'ai rien... T'es fiché. C'est pour rire. Alors... Votre réaction, Yvan Levaille, sans aucune contrainte. Ma réaction, c'est... D'abord, le téléphone, c'est terrible, parce que j'ai l'impression qu'on va me réveiller le matin. Et puis ensuite, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui imite Obama sur Canal+. Est-ce que le prénom Edwige vous évoque quelque chose ? Oui, Edwige Feuillère. Edwige Feuillère. Magnifique réponse, professeur Mauduit. Notons la réponse du patient Levaille. Mais un fichier peut-être aussi. Mais je n'ai pas osé dire fichier parce que je trouve que malgré vos blouses blanches, vous avez comme l'air d'inquiétant policier. C'est la dernière fois que tu t'es fait choper. Oh, je te parle. Tu veux pas l'ouvrir? Tu veux pas cracher le morceau? Fais comme tu veux, j'en ai rien à foutre. 25 ans, mon salaud, 25 ans tu vas faire. Tous tes copains sont là. Tu veux pas l'ouvrir? Putain, mon pote, je te jure que tu vas sentir ta douleur. Je vais pas te lâcher, je vais me régaler. Chaque fois que tu me lâches, ça t'expédie au trou minimum 25 ans. De 25 ans à perpète dans l'état de mort. Je vais te retourner la tronche, ça va pas. Nous poursuivons l'enregistrement de vos réponses. Et pour finir, tendez bien l'oreille. Yvan, voici le dernier son de notre série. Fumier, il aurait pu me tuer. Quand l'as-tu déchargé? Cette nuit. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Qu'en dites-vous, Yvan Levaille? C'était, je sais pas, je retrouve un peu le vocabulaire, le son de la voix de Jacques Chirac. Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac. C'est pour moi? Non mais tu t'appelles Chirac, toi? Ben oui, Chirac, Patrick Chirac. Pourquoi? Ben... Ah oui, d'accord. Non, il n'y a rien à voir. Non, attends. On ne s'est même jamais rencontré. Par contre, c'est lourd à porter. Chez Amora, il m'appelait Bernadette. Mais pourquoi tu ne changes pas de nom? Pourquoi c'est moi qui changerais? Passons immédiatement à la séquence suivante. Nous en avons donc terminé avec notre test projectif et nous allons dès à présent consulter notre éminente consœur du ministère psychique qui, sachez-le, n'a plus de limites puisqu'elle a dépassé les bornes. Alors, découvrons maintenant les observations cliniques sur le monde extérieur du professeur Anne Boulet sur lesquelles vous serez amené à réagir, Yvan Levaille. C'est à vous, professeur Boulet. Tu as été conduit ce soir devant l'assemblée du mont Wanahakalugi pour rejoindre l'ordre des siphonnés du bocal et devenir l'un des nôtres. Le truc le plus dingue de la semaine, c'est la disparition totale de la notion de saison. On est début septembre et on se croirait à la Toussaint. Et dans le même temps, tout porte à croire que c'est la fête des mères. Pas la peine d'opérer un arbitrage budgétaire entre chrysanthèmes et colliers de nouilles, c'est juste l'actu qui, quand exceptionnellement il n'est pas question de pouvoir d'achat et du prix du cartable, nous jette à la figure une nouvelle figure ultra déprimante de la maternité, celle de la mère supérieure. D'abord parce que la rentrée scolaire est un petit peu la saison préférée de Mère Courage, qui, suivie à la trace par des équipes télé avides de nouveaux horizons, pousse un chariot d'hypermarché à la recherche d'un protège-cahier 24-32 vert pomme, pendant que ses enfants se roulent par terre en hurlant pour obtenir une nouvelle trousse, un luxe rendu tout à fait inabordable par le nouveau pouvoir d'achat du cartable. Adoptant en toutes circonstances l'œil mouillé et le sourire désolé de Caroline Ingalls, son idole de la petite maison dans la prairie, elle garde cependant un air pauvre mais digne et n'insiste qu'à peine sur le fait qu'il lui reste une quarantaine de manuels scolaires à couvrir avec du vieux journal, car le plastique est devenu trop cher, pour demain 8h. Véritable héroïne des temps de crise, elle a presque volé la vedette aux maires politiques qui pourtant ne se sont pas fait hyper discrètes récemment. Entre Ségolène Royal, qui administre un cours de caté à l'université d'été du PS, la mystérieuse grossesse de Rachida Dati, et Valérie Pécresse, qui pense que ce qui la distingue des autres candidats à la présidence de la région Île-de-France, c'est qu'elle est mère de famille, les crocs roses de Roselyne Bachelot sont passés carrément inaperçus. À l'international, la mère supérieure marche encore plus fort. On peut même dire qu'outre-Atlantique, elle a été la superstar de ces derniers jours. Avant de revenir sur ma nouvelle idole, Sarah Palin, arrêtons-nous quelques instants à la Convention démocrate, où l'enfant de tout âge s'est clairement imposé comme l'accessoire indispensable de la saison. Même si elles sont des femmes modernes, avec des carrières, des ambitions et des langues pas dans leur poche, Michelle Obama et Hillary Clinton ont commencé par se vanter d'être des mères fières. Ce qui, si ce genre de fierté arrive jusqu'à chez nous, laisse craindre une manifestation du type Mother Pride, avec un embouteillage de bétaillères à Cato à la place des chars gays. C'est tout de même moins drôle. Parallèlement, le candidat démocrate et son vice-président rendaient de vibrants hommages à leur génitrice, qui leur avait appris la vie et tout le reste. Au moins, ceux qui croient que les filles trop proches de leur maman chérie finissent tous coiffeurs en sont pour leurs frais. Évidemment, tout ça n'est rien à côté de la républicaine conservatrice Sarah Palin qui a réussi, 2 jours après sa spectaculaire sortie de l'anonymat, à ériger la maternité en œuvre d'art terrifiante. Elle-même à la tête d'une famille nombreuse, ce qui ne me viendrait pas à l'idée de critiquer dans la mesure où j'ai moi-même 4 enfants, elle se réjouit de ce que sa fille de 17 ans soit enceinte et se définit avant tout comme une bonne mère de famille. Autrement dit, et on se demande un petit peu ce qu'elle prend comme vitamine le matin, un pitbull avec du rouge à lèvres. Définition un peu spéciale, sinon carrément terrorisante. En France, si le maquillage est tout à fait autorisé, ces chiens sont tenus au port de la muselière et à la stérilisation obligatoire. Tout ça pour conclure que ce serait bien que les mères fassent les prochains temps un petit peu museau. La prochaine fois, je crois que ce seront les jeunes coucouples qui me rendront dingue, à moins que ce ne soit les nouveaux pères. Nous remercions le professeur Anne Boulet pour son exposé. Vos réactions, Yvan Levaille ? J'ai bien aimé parce que c'est vrai que l'année commence, l'année universitaire commence avec une valorisation de l'image de la maternité. C'est une bonne chose parce que, vous voyez, d'habitude, quand on rentre, je confesse et j'avoue... Confessez. Alors, j'ai un peu peur des rentrées. Parce que je me dis, pendant une semaine, ça va être les gosses à l'école, les mamans qui les accompagnent. Puis après, tout le monde s'en moque, la presse n'en parle plus. Et puis vite, les devantures des magasins vont changer. Et puis ce sera Noël. Et puis après Noël, ce sera le 1er janvier, puis Mardi Gras, et puis le 14 juillet, etc. Et puis, on aura un an de plus. Et cette année-là, rythmée par la télévision et les médias, qui disent tous la même chose au même moment, ça me fait une peur bleue. J'avoue ma première peur. Ma seconde peur, elle concerne le pouvoir d'achat. 3,40. 3,40 €. Une citronnade. C'est bien cher pour le citron. C'est très cher pour le citron. Vous me regardez avec un œil curieux, là. Je vous étonne. Oui. Non. Et je ne comprends pas pourquoi on ne dénonce pas ce scandale sur les médias dès l'ouverture du journal de 20h. Je voudrais qu'on en fasse un gros titre de journal. Très bien, monsieur Levaille. Le professeur Mauduit a retranscrit votre réponse. Mais savez-vous que les femmes de président, lorsqu'elles vont mal, ont un sacré secret ? Souvent lorsque ça va mal, quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque, pour me mettre dans le verre, je connais un bon moyen. Dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter du silicate d'anhydrite de magnésium, du pas du sulfure d'iacolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène tocopherol, du gras oxypropanédiol en ampoule, de la binophénisulfone à propylamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide aline isopropyl barbiturique, de l'éthervasyl ammoniumprotyl phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gras oxypropanédiol en capsule. Rien ne vaut, je le proclame, les vieux remèdes de bonne femme. Mon grand-père, d'un geste fier, en sortait de sa tabatière. Papa qu'était estafette, en avait dans sa musette. Et quand j'ai passé mon bac, je trimballais dans mon sac. Du silicate anhydrique de magnésium, du poids du sulfure d'iacolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène de tocopherol, du gras-oxypropanédiol en ampoule, de l'aminophénisulfone d'amphétamine, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide aline isopropyl barbiturique, de l'éthervasyl ammoniumprotyl phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gras-oxypropanédiol en capsule. Et si vraiment ça ne va pas mieux, pas mieux, je prends 2 ou 3 aspirines et un sucre. C'était Ginette Garcin et son crésoxypropanédiol, prescrit par Jean-Yann. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. Avant tout, Remercions le professeur Antonin Artaud pour sa collaboration déjantée. Alors maintenant, poursuivons nos investigations, monsieur Levaille. Voyez-vous, sur la base des informations psychiques que nous avons recueillies, notre laboratoire expérimental va tenter à présent, sous mon expertise de pacotille, de dresser un portrait psychologique de votre cas. Bien sûr, vous serez appelé à réagir à mes propos. Ainsi, quelle est donc votre psyché, Yvan ? Eh bien, après une enquête pointue de nos services, une des raisons de votre convocation ici même ce matin tient au fait que nous sommes persuadés que vous souffrez réellement de troubles schizophréniques. Écoutez bien cet élément sonore que nous avons retrouvé dans nos archives. La preuve par l'exemple, monsieur Levaille. Souvenez-vous. J'ai des voix dans la tête. Elles me rendent fou. Complètement fou. Connaissez-vous un moyen pour arrêter ces voix ? Dans tous les foyers, il y a un endroit où on est à peu près seul, avec des voix qu'on entend et qu'on aime très souvent et auxquelles on est fidèle. Il y a la salle de bain. Alors on est en communication avec les grandes voix qu'on connaît depuis des années et qu'on reçoit tous les matins. Et puis il y a un deuxième endroit qui est la cuisine. On peut parfaitement écouter et préparer le déjeuner. Et puis il y a un troisième endroit où on est tout seul, souvent seul, c'est la voiture. À l'instant donc, selon vos propres aveux, monsieur Levaille, vous entendez des voix dans votre cuisine et votre salle de bain. Avouez que c'est troublant, mais cela vous arrive-t-il encore ? Je suis en train de, en réécoutant cet extrait, que là, vos services policiers ont découvert, j'imagine, à l'INA. Je trouve qu'il y a, dans l'écoute de la radio, quelque chose qui est un peu masturbatoire. Masturbatoire, oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire... Vous savez ce qu'on disait du péché d'onan ? On disait péché d'onan, péché d'anan. Il y a une forme d'onanisme dans l'écoute solitaire de la radio, dans un huis clos. Puis le gosse, il a des cours d'éducation sexuelle à l'école. L'autre jour, j'arrive, j'entends cogner dans le placard. Boum, boum, boum, boum. J'ai dit, dis donc, quand t'auras fini tes devoirs, tu viens manger quand même, hein ? Voilà, c'est masturbatoire. Une réponse fort intéressante. Alors ensuite, je constate, cher monsieur Levaille, qu'à la question numéro 6... de notre questionnaire psycholoufoque, vous avez répondu que vous aviez plus l'âme d'un loup que d'un chien. Réponse que vous avez complétée d'une analogie avec votre profession de journaliste. Soit vous appartenez à l'espèce des loups affamés mais libres parmi quelques chiens repus mais tenus en laisse. Très bien. Cela dit, permettez-nous de penser, monsieur Levaille, que ce trait de caractère peut également s'apparenter à une mégalomanie sous-jacente comme un complexe de supériorité à l'instar de ce jeune loup. Il y a un tas de frimeurs dans le journalisme, une quantité de vantards et de gros nuls. Ils sont tout le temps en train de parader, de courir les salles de rédaction, d'essayer de se faire passer pour plus forts qu'ils ne sont. Ce qu'il y a de bien avec des journalistes comme ça, c'est que vous pouvez aisément vous distinguer. Si vous faites preuve de modestie, d'un excès d'humilité ou que vous êtes un peu effacé, ils vous permettront de briller. Vous apporterez votre gamelle pour rattraper leurs coups s'ils sont débordés et au bout du compte, ça paye. Qu'en pensez-vous, Yvan Levaille ? Je pense que c'est magnifique, c'est aussi beau que la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Je crois en effet que parmi les qualités journalistiques, qui sont aussi celles du loup, parce que le loup est méconnu. Au fond, le loup, il ne veut pas de collier, simplement. Hein. Il dit, vous, ne m'attachez pas. Pas de chaîne, pas de fil à la patte. Mais c'est beau, un loup, non ? Et ça tient compte des autres. Le loup circule en bande, ça lui est reproché, mais bon, il agit avec des amis, avec des proches. Et le loup ne cherche pas à parader dans les villes, il est humble. Et la qualité du loup aussi, il respecte ses victimes. J'aimerais que les journalistes respectent leurs victimes, soient humbles et s'efforcent de ne jamais être attachés. Alors c'est donc toi le petit chaperon rouge, hein ? Ça sent drôlement bon, hein ? T'as des cookies là-dedans ? Je suis pas censée parler aux étrangers. Non, il faut pas, tu as raison. Alors qu'est-ce que tu trafiques au fond de cette grande méchante forêt ? Est-ce que tu amènes les cookies à quelqu'un en particulier ? À Mère Grand. Mère Grand, Pouquette, la reine du cookie. Allez, elle est balèze, qu'est-ce qu'elle assure avec ses cookies ? Elle a un truc, on dirait du cookies ensablé avec du chocolat entre les... Enfin, c'est très, très... C'est bon. C'est très, très bon. Tu fais souvent des livraisons pour ta mère, grand ? Je crois pas que je devrais vous dire ça. Donc t'as rien d'autre dans le panier. Dis donc, vous en posez beaucoup des questions, monsieur. Eh ben, je suis curieux comme loup. Laisse-moi jeter un œil. Avez-vous été un jeune loup? Oui. Yvan Levaille. Ah oui, ah oui, il y a le jeune loup et le vieux loup. Maintenant, j'appartiens à la catégorie des vieux loups. Oui, oui, on a tous été... Vous aussi, non? Bon, je ne répondrai pas à la question, je ne suis pas là pour ça. Ensuite, à la question numéro 5 de notre document, question où nous vous demandions la fréquence de vos rapports textuels, vous avez répondu quotidien, j'ajouterais prétentieux. Mais bon, vos perversions textuelles nous intéressent grandement, d'autant que vous avez annoté votre réponse d'une apostrophe lancée à la face de l'acteur Coquelin, qui lui se prenait pour Cyrano, apostrophe digne d'un obsédé. Le texte, monsieur, le texte. Résultat, votre vie textuelle doit être fichtrement étrange, monsieur Levaille. Vous avez bien dormi ? Oh, ma foi, pas trop mal. Même si par 3 fois il me fallut lever et me rendre aux cuisines par l'escalier glacial, boire 3 coupes d'eau tant j'étais desséché. C'est donc ça, c'est bien sûr. L'incroyable bazar dont j'ai vague mémoire à mon sommeil troublé. Ah, mes nuits, vous pourriez accorder quelques égards, parler peu, marcher bas ou sur la pointe des pieds. Auriez-vous par hasard le projet incroyable de venir me gonfler de bon matin déjà? À défaut d'être fraîche, vous pourriez être aimable. Cela n'est pas si cher. Le sujet n'est pas là. Il me semble à propos de vous faire remarquer que vous n'êtes pas tout seul dans ce lit à dormir. Je l'ai noté, merci. J'en soupe bien assez. Quant à dormir tout seul, ce pourrait se produire. Eh bien, comment votre femme vit-elle vos obsessions textuelles, Yvan Levaille? Je sais pas, je me le demande. Vous voyez, quand je me lève, quand le réveil sonne et que je me tourne tout de suite vers la radio et les journaux, je suis tenté aussi, moi, de dire... Cacher ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont offensées, cela fait venir de coupables pensées. Sophie Marceau qui monte les marches ce soir et à un moment donné, paf, la bretelle s'en va et elle revient. Par ailleurs, monsieur Levaille, à la 12e question de notre document Biscornu, vous écrivez que vous ne cessez, telle une obsession, de répéter à votre entourage des paroles de Shimon Peres qui dit ceci: les pessimistes, comme les optimistes, finissent toujours par mourir, mais ils ne vivent pas de la même manière. Certes, mais saviez-vous qu'en France, Yvan Levaille, vous n'êtes pas le seul à être obsédé par cette approche de la vie? La positive attitude. La positive attitude. La tête haute. Les yeux rivés sur le temps. Et j'apprends à regarder droit devant. La positive attitude. Alors, pensez-vous, Yvan Levaille, que votre psyché se rapproche de l'architecture mentale de Jean-Pierre Raffarin? Ah, vous faites la connexion. Peut-être, peut-être, parce que, bon, pessimiste, optimiste, la vie, voilà, faut monter la pente quand on monte, et puis on descend après. Donc, oui, je suis très, très, très... Oui, très raffarinesque. Très, très proche de Jean-Pierre Raffarin. Écoutez, Jean-Pierre Raffarin aime la vie. Oui. Sa femme est charmante et elle chante très, très bien. Une très jolie femme. Que chante-t-elle? Un opéra. Oh, yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. Then I'll say that something. I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. J'aimerais maintenant revenir sur un aspect plus obscur de votre personnalité, puisque notre enquête nous a révélé que vous avez traversé quelques zones de turbulence professionnelle et que votre propension paranoïaque à l'égard de vos patrons a eu tendance à s'accroître ces dernières années. Faut pas me prendre pour un con, faut surtout pas me prendre pour un con. Bon, j'ai carte sur table avec moi, faut pas me prendre pour un con. Hein. Parce que moi je sais plein de choses. Moi. Hein? Je sais, trafic, tu vois, combine. Alors ça, je peux me faire casser dans ces cas-là. Faut pas me prendre pour un con. C'est l'heure des médicaments. Médicaments. Dites-nous, Yvan Levaille, vous sentez-vous persécuté? Non, pas du tout. Moi, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Alors, je me souviens de Jean-Marie Cavada. Je me souviens de Jean-Pierre Elkabbach. Oui, je me souviens de... Voilà. Il y avait des patrons comme ça. Et puis, j'en ai eu d'autres formidables. J'arrive pas à les oublier. Par exemple, François Giroux, qui nous demandait d'écrire court et d'aller aux fêtes, et d'écrire simple, de ne pas écrire pour ne rien dire, de ne pas parler pour ne rien dire. Puis je me souviens de Jean-Luc Lagardère, parce que j'ai eu Jean-Luc Lagardère comme patron, vous vous rendez compte? Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi. Oui, j'ai eu Jean-Jacques Servan-Schreiber aussi comme patron, voilà. Et j'ai eu Edmond Charleroux comme patron. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu, comment dire, soucieux comme vous, messieurs les professeurs d'écriture. Parce que vous savez qui vous me rappelez? Vous me rappelez Pierre Dac et Francis Blanche, qui avaient la même fonction que la vôtre sur France Inter. Vous me rappelez Jacques Martin et Jean-Yann, qui faisaient sur Europe une émission qui s'appelait Les Bouches-Trous. Voilà. Vous cherchez à nous flatter, Yvan Levaille? Non, pas du tout. Vous cherchez la flatterie au niveau des professeurs? Non, pas du tout. C'est-à-dire, je voudrais pouvoir repartir avec une ordonnance qui soit agréable. Je ne prends jamais de médicaments. Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure. Alors, pour achever cette séquence, monsieur Levaille, passons à l'ultime question, la numéro 13, et qui fut la suivante. Que pensez-vous léguer à la postérité? Eh bien, vous nous avez répondu, entre autres, le goût de la chanson et le texte. Figurez-vous, monsieur Levaille, qu'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, vous offre ce petit présent. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien, Yvan. Sacré Levaille, vieilleux canaille, tu nous causes du monde qui déraille sous la mitraille. Moi, j'ai trop peur qu'en Afrique, les guerriers m'assaillent. Ouais, mais toi, tu mets nul doigt sur la faille. Quand les peuples se chamaillent, quand l'actu s'enlaille, moi, j'écoute Yvan, le samouraï. Avec lui, l'info, c'est pas du braille. Ouais, quand sur ma radio, je capte Yvan, bah, c'est toujours captivant. Oh, la Ferrari est peut-être bien carrossée. Le père Yvan est peut-être un peu cabossé, mais pour moi, il n'y a pas H-I-E. Il n'y a que le vaille qui vaille, ouais. Il n'y a que le vaille qui vaille, ouais. Ouais, il n'y a que le vaille qui vaille, ouais. Ouais. Alors, selon vous, monsieur Levaille, notre passion est un peu toquée ou gravement atteinte? En écoutant ça, je pense à Mac Mahon qui, entre autres choses, disait « que d'eau, je pense que la voix qu'on vient d'entendre ne boit pas que de l'eau ». Il disait aussi autre chose, il disait « la diphtérie, c'est une maladie terrible. Ou bien on en meurt, ou bien on reste complètement idiot ». Et il dit « je sais de quoi je parle, puisque je l'ai eu ». Je n'ai pas eu la diphtérie, mais j'aurais pu l'avoir. Nous notons votre réponse et passons dès à présent au moment crucial de notre analyse. Mais il est complètement fou, ce mec! Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Après nos pérégrinations psychologiques, il est l'heure, monsieur Levaille, de vous confronter au redoutable diagnostic différentiel de votre personnalité. Après son analyse, voici les conclusions du ministère psychique. Primo, vous avez développé une addiction pathologique au phénomène d'oxydopolymérisation. En gros, vous kiffez grave l'encre des journaux. Secondo, nous serons indulgents avec votre névrose schizophrénique parce qu'il vaut toujours mieux se prendre pour Attila que pour Attali. En revanche, vos réponses aux tests de Rorschach du ministère psychique nous laissent à penser que votre acuité critique, malgré nos efforts pour contrôler les médias et les masses, demeure sacrément dangereuse. C'est pourquoi, afin de vous éviter la camisole, Vous avez maintenant une minute. Une minute, monsieur Levaille, pour vous lancer dans une autocritique. Le ministère psychique vous écoute, monsieur Levaille. J'ai passé ma vie, c'est vrai, à lire les journaux et à me baigner d'abord dans l'actualité. Je veux dire, je vis dans un univers de sons, de papiers, etc. Et puis, je découvre, avant que de franchir la limite où mon billet ne sera plus valable, je découvre que j'ai perdu beaucoup de temps dans le futile, l'inutile, le vain, etc. Et j'ai envie, je me dis qu'il y a dans cette maison qui s'appelle France Inter un garçon que j'envie beaucoup, qui est Patrice Gélinet, parce que de la même manière, j'envie les historiens. Parce que finalement, on dit journaliste, c'est l'historien du présent, mais le présent aujourd'hui, il est bourré de choses inutiles, sans intérêt aucun. Alors que, après décantation, l'histoire, c'est l'histoire. Et on retient le plus simple, le plus clair, le plus net. Voilà. Et c'est curieux parce que j'ai rencontré Charles de Gaulle sur le tard. J'étais anti-gaulliste des grandes années, hein, de fondation de la Ve République. Et là, j'ai passé l'été à écouter tous les matins sur France Culture une émission mais vraiment formidable. Ça, c'est une obsession, c'est peut-être une maladie. Et je me dis, mais comment ai-je pu être aussi bête en étant contre De Gaulle alors que De Gaulle nous a laissé énormément de choses? Et d'abord, le courage et le pouvoir de dire non quand tout le monde dit oui. Très bien, monsieur Levaille. Vous échappez à la cellule capitonnée du ministère psychique. Mais vous n'échapperez pas à la camisole chimique. Nous vous prescrivons quelques pilules, mais restez calme. Tout va très bien se passer. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Vous êtes libre de regagner le monde extérieur, monsieur Levaille, mais nous ne manquerons pas de surveiller dès demain matin, dans votre revue de presse chez Stéphane Paoli à 8h30, l'effet de notre traitement. Si vous récitez une seule poésie en faisant exploser l'horloge, nous vous internons immédiatement. À bientôt, monsieur Levaille. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la première consultation du ministère psychique. Nous vous remercions grandement, Yvan Levaille, de vous être prêté le premier à cet exubérant exercice. Nous vous retrouvons dès demain matin dans votre revue de presse sur Inter à 8h30. Merci beaucoup, monsieur Levaille. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même, remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes, assisté aujourd'hui à la technique de Stéphane Poitvin. Merci, c'était parfait. Mais aussi merci beaucoup à Flora Bernard et Yvan Beaugelet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Anne Boulet et Julien Dugast pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com. Et pour la suite, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour la rentrée de la panique au Mangin Palace, nouvelle version. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Mais d'ici là, libère ta folie. Ciao. T'es quoi, t'es médecin, psychiatre? Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute? T'as reçu un petit diplôme sur lequel il est écrit « Je suis psychothérapeute » qui t'a été remis par un autre psychothérapeute, c'est ça? Mais à part ta paperasse, y'a rien qui me dit que t'es pas un imposteur. Yeah, some birds are funny when they call. Can you think of anything else?